battre jusqu'à plus d'essence. Réécris nos douleurs. Vrai que c'est pas le beurre, j'ai fait de nous des gros rouleurs. En marche arrière sur l'autoroute, privé de rétro. On ne va pas en réussite avec un ticket de métro. Envoie le briquet de pédo, un filtre Marocco. Je m'infiltre à la Rocco, la piste à ma locote. Un beat narvalo, je froisse même si ça n'a pas de sens. Trop même si cela va l'eau froide. Smenter, fin de la chance. On a tous faim d'argent dans ce coin pas assez grand. J'ai étalé gros, mais le joint d'arbre quand m'a ravelé les dents. Tu veilles sur ton mot, mais lui sur le sac à main de la vieille. La grève des engraineurs, je te le dis, c'est pas demain la veille. Ray, même les flics des dents. Profite de l'argent, de la drogue, mais trop rarement de la morgue. Comme les petits chez nous, sale comme le fric des tours. Je trouve pas le sens, ni la route, la rime, la zig, ni tour. Mais pas mon ouinge, ni la roue. Il y a quelque chose en nous qu'ils ne peuvent atteindre. Et de quoi tu parles? L'espoir. L'espoir. Ici, ça n'a plus aucun sens. Pas de temps, je file une parfaite amourette en soirée. Pas de chance, j'ai le syndrome Gilles de la tourette enfoirée. Je le sais mieux que quiconque. Ma vie n'a plus de sens. Me fie à ma famille de Suisse, de France, car il n'y a que qui compte. Je retourne dans ma brousse, il n'y a que Dieu qui dompte. Quand un arbre pousse, il y a toujours un vieux qui tombe. Je fous sur sa maquette sans savoir où la peur m'emmène. Le borgne peur quand même, et j'étais bien loin de ma quête. Rien de bien dans ma tête, me fous de ce que tu penses. La vie n'a plus de sens, sans magicien, sans sa baguette. Donnez-moi qu'une chance, je prie Dieu père et mère. Et vis en vieux pervers dans une école, la main dans sa braguette. Je ne suis pas messie, mais si je ne suis pas satisfait. Le sot ne sait pas ce qu'il dit, le sage ne dit pas ce qu'il sait. Le monde connaîtra la paix, faut essayer pour voir. Le pouvoir de l'amour dépassera toujours l'amour du pouvoir. Ça n'a plus de sens, comme leur dire, je n'ai ma claque du sang. Le compteur file et le temps d'un bitch ferait jaillir ma nature sombre. Arabe pur 139, je vis à la ganache du monde comme un paria. Le cœur meurtri, je sors les crocs à chaque pulsion. Quand la nuit tombe, mes sens éveillés, je marche à l'intuition. J'ai flanché frère quand ils m'ont dit que les autres à chaque appel suivront. Dans mes rêves, putain, tu peux me croire, je n'avais pas l'air plus con. Retranché mec, j'ai chopé l'insomnie pour ne pas perdre une seconde. Sur le sentier, j'ai semblé m'y perdre. Je suis le gamin du nombre sans objectif. Je flâne et parfois je gratte des 16 sans que ni tête. Pensant mille frères derrière, autant de mystères qui nous entourent. La ma frise donc de son putain de charme. Comme à chaque vendredi 13, grand solitaire, j'écoute leur baliverne. J'en ai perdu le sens comme tous ces membres dégoûtés par l'hiver. J'ai poussé la sixième sur ma route. J'étais une bouteille à la mer pour que les autres comprennent que j'ai été touché par l'ivresse. Je crois que tout se résume à un simple choix en réalité. Dépêche-toi de vivre. Ou dépêche-toi de mourir. Ce texte est venu au monde dans l'insolence. Ouais. Plus il a pris racine dans la douleur. Mais ce qui est le plus triste quand la vie n'a plus de sens. Je comprends c'est difficile, tu vis ta vie mais sans la couleur. Accord parental pour les amoureux de l'alcool. Malheureusement c'est tous les jours la Saint-Valentine. D'autres sont attirés dans la drogue dure. Alors clients ils vendent du rêve et se pointent habillés dans un costume. Ça n'a plus de sens, les bons partent, les mauvais restent. On n'a qu'une chance, mais vivre d'espoir, c'est comme les rêves. On n'écoute plus les anges, on lâche de vue les choses drôles. Quand le diable te cause par-dessus l'épaule gauche. C'est la même lassitude, ramène donc l'habitude grand. La merde et la vie dure, jamais on ne s'y habitue, non. J'suis baigné dans la zic, je recherche enfin mes bons souvenirs ont jauni, traîné dans la piste, frère. Je sors les crocs à chaque pulsion. Même si ça n'a pas de sens. La vie n'a plus de sens. La vie n'a plus de sens. Quand le diable te cause, habillé dans un costume.